caisse dans les orties, mais bien la chaise n'est pas rentrée. Il est tombé dans l'escalier, sa bouteille s'est pas baissée. Père Lachaise, madame Satan, on va couler dans le caniveau. Père Lachaise, madame Cajot, madame Roger qui avait très chien. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y'a plus d'amour dans les foyers, on va couler dans le caniveau. L'hiver est là, tu montes les pots. T'as beau t'appeler Oscar Mabon, de la couche de ton rapport. T'as beau t'appeler le grand bébé, la main plus bien qu'un chocolat. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon, dort sous les ponts, petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte le cron. T'as beau t'appeler Oscar, t'as beau te faire tout seul comme un rameau. T'as beau t'appeler le vent des nez, la plus fière qu'un chat crevé. J'ai dit avec très chien. Un chien est mort, l'autre s'est pendu. Y'a plus d'amour dans les foyers, sang va couler dans le caniveau. L'hiver est là qui est mon péco. T'as beau t'appeler Oscar, t'as beau te mettre tout seul comme un rapport. T'as beau t'appeler le grand bébé, t'as pas plus fier qu'un chat crevé. Le soleil dort petit néant. Le soleil dort loin de Gare du Nord. Le soleil dort petit néant. Dans tous les ponts, petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. Venez donc voir sous ma cape noire le grand couteau que m'a donné la fille qui voulait mon bonheur. Elle me l'a planté dans le cœur. T'as beau t'appeler Oscar.